C'est le Radioton 2023 qui se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1. Jean-Sébastien Doré avec vous pour vous présenter un projet qu'on avait vraiment hâte de voir avec nous au Radioton cette année. D'abord, un petit retour en arrière très rapide parce que nos invités en reparleront au cours de l'émission. Petit retour au début du mois de novembre 2022 à Beaumont. En fait, par l'entremise de notre animateur ici à CKRL, mais également batteur dans la formation que nous entendrons plus tard, j'ai appris qu'il y aurait une célébration d'abord du 350e anniversaire de la Seigneurie de Beaumont, mais aussi les 50 ans de la légendaire Messe des morts à l'Oratoire Saint-Joseph, des tout aussi légendaires Offenbach, et que ce projet-là est initié par Annie Hull, mais également par le membre fondateur, l'idéateur en fait de la Messe des morts, le poète, cinéaste et musicien Pierre Harel. Donc, j'ai assisté à ça, pas besoin de vous dire que c'était un sacré spectacle. Et en sortant de là, moi, je me suis demandé, c'est-tu le début d'une tournée? C'est-tu la tournée de quelque chose de plus gros? Est-ce qu'on va les revoir ou est-ce que c'est terminé? C'était seulement deux soirs. Et on a maintenant la réponse. C'est le fun. Le Memento Band revient, mais se transforme. Memento est de retour ce soir pour le Radioton, mais devient Ta gueule devant nous pour une émission que nous sommes vraiment fiers de vous présenter. Ta gueule, Requiem pour Ta gueule, Requiem pour Memento. Donc, je me tais. Pierre Harel s'y racontera en musique, mais tout d'abord en entretien avec Annie Hull. Je vous passe la parole. Merci. Oui, c'est ça, avec Ta gueule, en fait, hein, je pense qu'on veut faire taire les morts et laisser parler les vivants. Donc, on va laisser Memento de côté. Je voudrais faire un petit une mise au point très importante. C'est vrai ce que tu as dit en partie. Il manque un élément parce que c'est Annie Hull qui a tout monté cette affaire-là du 50e de la Messe des morts. Puis c'est à cause d'elle et c'est grâce à elle que ça a été réalisé. Moi, je suis juste arrivé là comme un cheveu sur la soupe. Puis là, c'est dit, il va me donner un coup de main, lui. Je vais prendre son nom. Il dit, Pierre Harel est là. Fait que ça va marcher. Ça, c'est chien, hein? Pierre, ta gueule. comme vous pouvez voir, il y a une grande amitié qui est ressortie de ça. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, grâce à la Messe des morts, naturellement, de rencontrer Pierre Harel, quelqu'un que j'avais vu à la télé, naturellement, comme nous tous, hein? Mais que je n'avais pas eu la chance de rencontrer dans la vraie vie, puis qui m'a donné, oui, effectivement, un très bon coup de main pour ficeler tout ce qui restait à faire pour la Messe des morts, donc pour Memento. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, on va vous présenter les musiciens du Memento Band. Pour l'instant, je vous mets dans l'ombre. Ah oui, donc. OK. Je dois dire que la Messe des morts d'Offenbach n'a pas été nécessairement facile à organiser dans le sens où, lorsqu'on parle à des musiciens puis qu'on demande « Hey, ça te tenterait-tu de faire du rock progressif liturgique? » Les gens sont un petit peu réfractaires après ma base. C'est le mot liturgique d'habitude hein, qui les repousse un peu. Alors, ça a été très difficile. J'ai eu des gens qui se sont impliqués et finalement se sont retirés. Donc, il y a deux bandes qui se sont retirées. Et là, j'ai dit, je vais appeler un ami de longue date avec qui je fais de la musique depuis 25 ans, qui s'appelle Danny Thériault, qui est le bassiste ici ce soir. Et j'ai parlé de ce projet-là. Et la chemise carottée, c'est lui, Danny. Et lorsque j'ai parlé à Danny, j'ai dit, savais-tu qu'Offenbach avait fait une Messe des morts en 72 à l'Oratoire Saint-Joseph? Puis il dit, ah oui, c'est l'album Synchrone de Néant. J'ai fait, je vais trouver mon homme. Et voilà, Danny Thériault est devenu le directeur musical du Memento Band pour l'occasion des 4 et 5 novembre, pour le 50e. Et suite à ça, c'est joint à nous Patrick Lavoie à la guitare, avec qui on joue depuis 25 ans aussi, Danny et moi, donc un ami de longue date. Et s'est greffé ensuite l'organiste, claviériste, Olivier Mador-Millette, que je ne connaissais pas, mais donc qu'une connaissance connaissait, donc hein, ça fait beaucoup de connaissances. Mais donc Olivier s'est greffé à nous ensuite, et on a fini par trouver un drummer exceptionnel, une personnalité hors du commun, une star. Vous le connaissez ici sur les ondes de CKRL, il s'agit de Jean-Sébastien Grondin qui s'est ajouté au band, je dois dire, au mois d'août 2022. Donc, vous comprenez qu'il était mis au moins un an. Donc, grâce à tout ce beau monde-là, on a réussi à avoir une belle célébration du 50e, je pense. Pardon? Est-ce qu'on a réussi à avoir une belle célébration du 50e? De mon point de vue, oui, mais moi, j'étais bien mal placé parce que malgré mes efforts répétés pour te faire comprendre que quand tu m'as crissé dans la chair en haut, la tête collée sur le plafond, j'entendais rien. Je voyais à peine ce qui se passait. Alors voici, mesdames et messieurs, une chance que vous n'avez pas entendu, j'ai sacré. C'était quoi la question? Donc, non, tu me disais que je t'avais sacré dans la chaise, justement. Oui, je me rappelle. Oui. En fait, il faut comprendre que je devais pas du tout chanter dans ce show-là, mais que j'étais supposée moi-même être dans la chair. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, la distribution a été refaite à la dernière minute. Oui, mais il fallait que Et donc, j'ai mis Pierre Harel en chair. Voilà. En chair et en os. Je l'ai puni. Mais moi, Pierre, j'aimerais ça qu'on... là, on parle de Memento puis tout ça. Je veux qu'on revienne derrière. Parce que oui, là, on parle de Memento, le 50 ans de la messe des morts, qui était tout un concept, on s'entend, en 72. Mais... tu travaillais, avant ça, tu as travaillé dans le cinéma, je veux dire, il y a quand même, on te connaît en tant que cinéaste. Entre autres, je suis venu déjà ici. Je suis venu déjà ici comme cinéaste. Et, j'ai été interviewé, il y avait un festival de mes films à Québec. Et je veux dire, tu as rencontré Offenbach dans ce cadre-là? J'ai rencontré Offenbach en 72 pour un film, Bulldozer. Donc, tu cherchais des musiciens pour faire la... Non, je ne cherchais pas personne, moi, là. Je venais de commencer le film, je n'étais pas rendu à la musique, tu sais. Okay. Et j'avais engagé un régisseur qui était de l'Office national du film. Lui était le nouveau gérant de Offenbach, qui s'appelait Lucien Ménard. Il s'appelait Pops Lulu, il est mort maintenant. Et puis lui, il est venu sur le plateau parce qu'il travaillait avec... Il était régisseur de plateau. Puis il m'a dit, coudon, tu ne cherches pas un band pour faire la musique de ton film? Je lui ai dit, oui, peut-être. As-tu quelqu'un? Ben, il dit, regarde, je vais te présenter du monde, moi, là. Fait qu'il n'a pas pu me présenter tout de suite parce qu'on était après tourner. Mais le dernier jour de tournage, quand on est parti de Rouyn-Noranda pour s'en venir à Montréal, on est allé direct à Saint-Jean-d'Iberville. C'est là que le band jouait. Fait qu'on est arrivé là tard le soir, il joue encore. Là, je suis tombé à terre. Ben, raide. C'était incroyable. Il jouait une de leurs compositions. Il s'appelait Groovin'. Il y avait juste une compo. En anglais, Groovin. Il faisait des covers. Puis là, j'ai dit, c'est de valeur que nous autres, les Canadiens français, qu'on ne soit pas capable de profiter de ce talent-là, puis de chanter dans notre langue. Puis j'en ai pas parlé tout de suite au gars, parce que ça n'aurait pas pogné tout de suite. Puis là, ça m'a pris. Là, je suis rentré tranquillement en hypocrite. J'ai commencé par jouer des congas, ça ne paraît pas, tu sais, trop, hein. On sait ce que c'est, hein. Je jouais des congas, puis ça valait de rien, tu sais. Fait qu'au bout d'un mois, j'ai dit, hey, j'ai écrit une chanson, ça vous tente-tu de l'entendre? Ils ont dit, bon, pas tant que ça, mais là, Willy, mon grand chum qui est mort, Willy Lamotte, le fils de Willy, qui s'appelait Willy, lui aussi, il a dit, ouais, moi, je veux l'entendre. Comme il mesurait 6 pieds 2, puis les autres étaient tout petits, les frères Boulet, ils ont dit oui. Ça fait que là, J'ai pris la guitare sèche, puis j'ai joué ma première toune, ça s'appelait... La première toune que je leur ai jouée, c'était Day of Storm. Je ne l'ai pas joué longtemps. Qu'on n'a pas connu? Non. Ça n'a pas été indiqué? Non, ça n'a pas été indiqué. OK. Day of Storm. Puis là, j'en avais fait 4 dans ce temps-là, puis nous autres, on jouait dans des hôtels, dans des bars, et c'est la première fois qu'ils entendaient du rock, Evan même, bon rock, avec des paroles en québécois, pas en français, là. C'était du québécois, là. Ça s'est mis à se remplir, toi. Au bout de deux semaines, parce qu'on était là la fin de semaine, au bout de deux, la troisième fin de semaine, c'était plein. Il y a du monde qui faisait 100 km pour descendre, pour venir entendre ça. Puis là, ça a parti. Et puis là, ben j'ai écrit... faut que je me... c'est Colin de Blues, la première, là, connue, là. Ça a été Colin de Blues. Puis c'est moi qui avais mal entendu. Je te ramène sur Bulldozer parce que on va faire entendre une pièce qui est tirée d'ailleurs du film de Bulldozer, puis on va faire un petit lien en même temps avec le fait qu'on est à la fête nationale du Québec à Beaumont le 24 juin, ben oui. Et que l'émission d'avant était une émission avec du trad, c'est bien ça? Oui, absolument, de la danse traditionnelle en bon, milieu d'après-midi. On va vous revirer la tradition de bord un peu. Quadrille. Thank you. Ferme pas mon micro tout de suite, toi, là, là. Oui, ça vient de Bulldozer, de la chanson Bulldozer, puis les paroles, c'est mon homme, mon homme. Je te ramène au sofa et je te ramène vers la messe des morts, parce qu'en 72, on s'entend-tu que ça a dû faire tout un tollé, ça, du rock progressif à l'Oratoire Saint-Joseph? Le rock progressif n'existait pas ce temps-là. Oui, le rock. Je me reprends le rock. Ça a fait, non, ça a pas, non, ça a été, moi, l'idée est venue de l'Assor, le petit village en Abitibi, dans le temps, là, ça a grossi, puis il y avait eu une méchante bataille, parce qu'il y avait deux salles dans l'hôtel, une salle pour les western, puis une autre salle pour les rockers, deux publics antagoniques. Mais le problème, c'est que les toilettes étaient dans la salle des west, fait que, quand les rocks jouaient, les West allaient aux toilettes chez eux. Mais quand eux autres jouaient, nous autres, on allait aux toilettes chez eux, il fallait traverser la salle. On passait devant eux autres, devant leur public. À un moment donné, la bataille a pogné. Mais moi, j'étais dans ma chambre en haut parce que c'était eux autres qui jouaient. C'était dans un hôtel. Là, je voulais passer notre soundman de même. À cette hauteur-là, à peu près, flat. Je vais passer devant la porte. J'étais assis sur mon lit, tout ce qui se passe là. Je sors dehors, et tabarnak. Et lui, évidemment, il avait reçu une méchante poussée pour passer de même. Hein. Ça fait que là, la bataille, là, il y avait Johnny Gravel, le guitariste. Il y avait une Telecaster, il a souillé de même. Puis il sacrait, je ne dirais pas ce qu'il a dit, mais. Il soignait ce guitare. Il n'y en a pas un qui s'est approché. Mais finalement, ça a mal tourné. Nous autres, les Rock et les West ont tout cassé. La police est venue. On a perdu notre contrat. Le lendemain matin, on est reparti pour retourner à Montréal. Sauf que on n'avait pas une scène de mettre du gaz. On comptait sur notre paye pour mettre du gaz pour s'en retourner. Qu'est-ce que c'est là que tu as eu l'idée de l'oratoire? Oui, ouais, mais ça. Ouais. Puis c'est pendant la bataille que moi, j'étais là, je disais, attends, ben, ça, on est mal pris. Je regardais d'un miroir qu'il y avait là, d'un vieux miroir, puis j'ai vu, c'était à l'oratoire, je n'étais jamais rentré dedans, je n'étais jamais allé à l'oratoire, mais il y avait l'hôtel, puis il y avait le prêtre qui regardait par en arrière, je voyais le dos, puis il y avait Offenbach qui jouait en regardant par ici. Fait que là, je dis, hey Willy, il est en train de regarder un petit comique. Il dit, hey Willy, je viens de voir un flash, on va jouer à l'oratoire. Oh, il dit, va donc compter ça à Jerry et toi. Fait que j'ai dit, laisse faire. Fait que finalement, on est allé à Montréal. En s'en allant, on est arrêté chez ma mère prendre une bière. Elle nous a fait une coupe de sandwich. Puis on lui a conté l'histoire. Puis elle dit, là allez-vous-en chez vous. Reposez-vous. Puis je vais t'appeler Pierre pour te dire quand tu vas avoir un rendez-vous avec le supérieur de la communauté religieuse qui est à l'oratoire. Elle nous a appelés deux jours plus tard. Et c'est là que tout s'est enclenché. Tout s'est enclenché. Alors, une pièce tirée de Synchrone de Néant? Maintenant, Synchrone de Néant? Oui, Rire aux larmes. Ah ouais. Mourir de rire. monta, oh monta, oh là là, qui monta, oh monta, qui monta, oh, oh, oh, oh, qui monta très haut, très très très haut. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, l'hôtel Château-Laurier est un établissement 4 étoiles situé au cœur du Vieux-Québec, à deux pas de la Grande Allée, des Plaines d'Abraham et du fleuve Saint-Laurent. Pour des vacances mémorables et des réunions d'affaires réussies, Hôtel Château-Laurier est heureux d'héberger les artistes du Radioton. hôtelchateaulaurier.com. Salut tout le monde, c'est Pierre-Hervé Goulet qui parle. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Soyez généreux. Le 9e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants du 15 au 21 mai 2023. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV et pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. 26! Ah oui, c'est le nombre exact d'heures qu'il vous reste pour miser. Bah, 26 heures et 7 minutes et 50, 47 secondes. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est maintenant qu'on va profiter de ces quelques minutes qui nous sont allouées pour ça et vous faire découvrir une nouvelle fois certains lots de l'Ancan. C'est le cas notamment du lot numéro 12 qui est fourni par notre partenaire, la boîte de diffusion. C'est un lot de BD avec différents styles, style plutôt pour adultes, les mangas, des styles jeunesse. Il y a plusieurs ouvrages ensemble. Le tout cumulé, c'est une valeur de $165 et vous pouvez l'acquérir pour le moment en fonction des mises dont on est au courant. Pour $80, c'est donc un moitié prix. Vous pouvez vous offrir ces BD pour ce montant-là. Lot numéro 12, les bandes dessinées de la boîte à diffusion. Autre idée loisir, le lot numéro 5 de la boutique Le Pédalier. Un certificat sport d'une valeur de 300 $ pour acheter du nouveau matériel, du nouvel équipement ou pour changer le vôtre. Ça serait le bon moment avec l'été qui arrive. Donc, une valeur de 300 $, vous pourriez l'acquérir pour 180 $. Donc, la boutique Le Pédalier, le lot numéro 5. Je peux-tu m'acheter une nouvelle sonnette pour mon bicycle? Absolument. Merci beaucoup. La conserverie du quartier fait aussi partie des gourmandises qui sont offertes dans cet encan avec notamment un lot de plein de petites choses. On a essayé de se dire qu'est-ce qu'on pourrait préférer en discutant tous les deux, puis on n'arrive pas à choisir. Hein. C'est pas facile. Non, franchement, les 25 spécialités ont toutes l'air bonnes. La confiture, les confits, les salsas, les gelées, les moutardes. La gelée au porto, le fudge en pote. Le beurre, en fait, on a vraiment... énormément de spécialités dans ce panier. Exactement, d'une valeur de 150 $ ce panier et que vous pouvez pour le moment acheter pour 135 $ au vu des dernières mises qui ont été faites. Ça vous fait déjà un 10% de rabais, profitez-en. On revient dans quelques secondes, on va notamment parler de la Ninkasi, on aura même un témoignage, je vous en dis pas plus. Bonjour, ici Julie, votre députée de Beauport-Limoilou. CKRL, c'est un véritable bijou pour notre communauté. Un bijou de culture et d'informations critiques importantes pour vos oreilles, pour votre esprit. CKRL mérite notre soutien à tous. Ça nous permet de découvrir et de redécouvrir les talents d'ici et d'ailleurs, tant francophones que de toute autre langue. Laissez votre esprit naviguer au rythme et au son de CKRL, la radio d'ici. À chacun son livre, aux éditions Michel Lafon. Les voleurs d'infini d'Alison Noël. Natacha, ben oui, collégienne, est envoyée à l'Académie Grey Wolf, un pensionnat qui n'apparaît sur aucune carte. Là-bas, tous lui disent qu'elle a un don très rare, et que l'Académie l'aidera à l'exploiter, à l'apprivoiser. Son pouvoir, voyager dans le temps. Sa mission, y récupérer ce que cherche le mystérieux directeur de l'Académie. Les voleurs d'infini est le nouveau thriller surnaturel d'Alison Noël, l'auteur de la série Éternelle. Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des thrillers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz fusion et du funk en programme double. Alain Caron, géant québécois de la basse entouré de 8 musiciens, présente un projet musical inédit où le groove est à l'honneur. Mark Lettery, guitariste virtuose, défend son plus récent album nommé pour un Grammy. Le 5 mai, Alain Caron et Mark Lettery Group en exclusivité au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Poils et Plumes fait aussi partie des partenaires de cet encan pour le Radioton 2023 à CKRL. Poils et Plumes qui vous offre un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ avec une ambiance particulière. Le but de Poils et Plumes, c'est véritablement de se focaliser sur vos animaux plus que vous. Exemple, on va pas vous vendre une litière pour chat qui sent bon pour vous faire plaisir puis que les chats aiment pas ça. On va dire non, c'est le chat qui compte. Et puis si tu viens avec ton pitou, c'est ton pitou qui compte. Et d'ailleurs, Roxane, la propriétaire, nous a expliqué en fait pourquoi ça arrivait qu'on se fasse accueillir par un pitou quand t'arrives dans le magasin. Ben oui, écoute, si on peut, on emmène nos chiens travailler avec nous. Mathieu emmène Mambo travailler avec lui. Moi, j'emmène Tara travailler avec moi. Sophia emmène Taco travailler avec elle. On adore emmener nos animaux. Voyons donc, on les aime, puis vous les aimez en plus. Alors, pourquoi pas les emmener travailler avec nous? Exactement. Rendez-vous donc chez Poils et Plumes. Il y a 2 succursales à Québec. Et puis, dans le cadre de cet encan, ce sont des certificats de cadeaux, donc d'une valeur de 100 $. Un certificat cadeau qui, pour le moment, peut être acheté pour 80 $. C'est le lot numéro 2. Et puis on termine ce segment avec la Ninkasi Louli. Alors la Ninkasi, c'est un lot complet avec 3 certificats cadeaux de 25 $ chacun, 3 t-shirts de collection Ninkasi, un homme 3XL Capitaine Californie, un homme médium simple Malte, un homme small Capitaine Californie, et ça vient également avec 4 verres de collection. C'est un excellent lot d'une valeur de 180 $. Alors, je me retourne du côté de Pierre qui est avec nous en studio. Oui. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Et j'ai appris que tu avais misé et remporté un lot de la Ninkasi il y a quoi? Il y a quelques années. Quelques oui, années, oui. Puis oui, c'est ben, je suis un très bon client de la Nicasie aussi. Il y a plein de belles occasions de pouvoir utiliser les certificats cadeaux. J'étais d'ailleurs là hier soir pour un lancement d'album, que ce soit les pub quiz du lundi ou les, vous aimez le karaoké, il y en a tous les soirs, les spectacles d'humour. Donc plein de belles occasions d'utiliser des certificats cadeaux de la Nicasie. Excellent. Rendez-vous donc sur le site ckrl.qc.ca pour miser sur ce lot numéro 20. Valeur 180$, mise à prix actuel 100$. Écoute, j'ai été charmé par ton témoignage. J'ai envie de t'offrir de quoi, Pierre? Ah oui? Ouais. Tu sais quoi? Tu vas présenter l'encore pour tout le reste de la soirée. Parce que c'est pas tout ça, mais nous, avec Louli, on a décidé qu'on allait faire un petit tour de se rafraîchir un tout petit peu à la rivière à sushi. Eh oui. Rendez-vous ce soir avec Louli si vous voulez nous voir. On va se retrouver donc à la rivière à sushi. Et puis toi, Pierre, on te souhaite une bonne soirée. Et puis bien sûr, vous retrouvez la suite du Radioton CKRL qui se poursuit jusqu'à demain soir 20h. Bonne soirée, Pierre. Merci. Bye. Bye. Salut, Angel Forest ici. C'est la Radioton CKRL. S'il vous plaît, soyez généreuse. La pharmacie Uniprix, Nancy Champagne et Maud Amel de Limoilou est fière de s'associer au Radioton de CKRL et de l'Encan Interactif. En prévision de la saison estivale, nous vous invitons à venir découvrir nos produits, entre autres, notre sélection de crèmes solaires pour tous les types de peau afin d'être bien protégés. Notre équipe sera vous conseiller selon vos besoins. Uniprix, Nancy Champagne et Maud Amel Limoilou, 88-523-1000. Au plaisir de vous rencontrer. Écoute-moi. Ici Paul André et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. D'ailleurs, le Requiem pour Memento se poursuit dans le cadre du Radioton 2023 de CKRL 89.1. Jean-Sébastien Doré avec vous pour quelques secondes. Avant de passer la parole à Pierre et Annie, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je suis allé parler à notre directeur général ici à CKRL, Danny Fortin. Quelques secondes pendant la publicité, on a un montant à vous dévoiler. Donc, samedi 29 avril à 18h, nous sommes rendus au montant de $21,530. Quand même! Je vous rappelle que notre objectif cette année est de $50,000. Donc, continuez à donner, écoutez de la musique, tripez, financez cette belle radio qu'est CKRL. Vous avez jusqu'à demain soir. Ouais, demain à 18h, 20h. Ouais, je pense que je suis le dernier à savoir ça. Là. Je pense pas. Donc, je repasse la parole à Pierre et Annie. Vous nous parlerez du départ d'Offenbach de Pierre et de la naissance de la formation Corbeau. Merci, Jean-Sébastien. Alors, oui, Pierre, donc, Offenbach, ça a duré combien de temps, ça? 71. Micro. 71, 72, 73, 74, 75. 75? 2, 3, 4, 5. Donc, 5 ans, tu as quitté Offenbach par? Parce que j'avais plus d'affaires, là. OK, tu te sentais plus chez vous. Non, pas pantoute. J'ai quitté Offenbach, en fait. On était en France, puis ça allait pas bien. Les gars chicanaient tout le temps. Écoutez, ça ne peut pas faire autrement. Il y avait tellement de boissons et de drogues, là, c'était incroyable. À tous les vendredis, il y a un troc qui reculait en arrière du château. On restait dans un château. Il reculait en arrière parce que c'est là qu'étaient les cuisines. Les cuisines, c'est pas comme chez nous, les cuisines. Là. Tu peux quasiment rentrer un troc dedans. C'est des grandes cuisines. Là, il débarquait 40 caisses de bière. Ils débarquaient du fort, 2-3 caisses de fort. Ils débarquaient un gros mouton de kif. Le kif, c'est une sorte de hache. Mais c'est pas fait comme les autres. Ça, c'est des petits Marocains tout nus qui se mettent du miel sur eux autres, partout. Puis ils courent dans des champs de potes, dans le temps que c'est fleuri. Ça peut être là tout. On pourrait faire un film avec ça. Ce serait fabuleux. Autrement dit, toute la poudre, là. La poudre, ça colle après eux autres. Là, ils retournent chez eux, puis ils se grattent ça. Là, ils nous vendent ça ici, après. Donc, à force de kiff, ça a splitté, hein? On va dire ça comme ça, ça a subdivisé le groupe. Ça n'aurait plus de bon sens. Hey, Willy voulait écraser Oiseau. Oiseau s'était réfugié parce qu'il y avait un petit lac devant le château. Il était dans le milieu du lac, dans jusque-là, puis Willy était Il en voulait, le chicane n'avait pas lié. Il voulait écraser, en tout cas. C'était l'enfer. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait sur ça. Qui s'appelle Tabarnak. Il s'appelle Tabarnak, oui. Ouais, c'est pas pour rien. Hein? Donc, toi, tu as décidé... Ça fait que là, moi, j'étais parti à Montréal pour faire le montage du film Bulldozer. Et puis, quand je suis revenu, je suis rentré dans le château le matin, de bonne heure. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des grands photos. Il avait fait des grands photos de nous autres. 8 pieds de haut par 4 pieds de large. Il avait tout été poignardé. Sauf une, celle de Oiseau. Et là, tu t'es sauvé. Ça n'a pas été dur à trouver qui c'est qui a fait ça. Et suite à ça, donc, tu as décidé de t'en aller dans le bois? Non, suite à ça, je suis resté encore là. Puis là, c'est Claude Lelouch, puis c'est plutôt le français qui a chanté Café Crème. Là. Je veux dire, quand tu as quitté Offenbach, ouais, tu t'es en allé dans le bois? Tu as fait quoi? Non, je ne suis pas allé dans le bois. Parce que pendant quelques années, je veux dire, tu n'as pas fait de musique comme telle, tu as fait du cinéma? Non, quand j'ai quitté Offenbach, je me suis envenu ici, au Québec. Et puis là, j'étais allé travailler à Bud James, comme bûcheron. J'ai fait un bon bout de là. C'est là que Willy est venu me chercher, d'ailleurs, dans son triomphe, qu'il ne partait jamais quand il voulait qu'il parte. Là, il sortait, il donnait 3-4 coups de pied d'un bord, 4 coups de pied de l'autre, il sacrait après l'eau, puis il partait. Pas besoin de vous dire que son triomphe était magané. Il y avait des bosses partout. Là, il dit, hey, tu pièges. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, j'étais au motel Godard, on était rendu à l'Annonciation. Puis, on n'était pas loin de notre chantier. Il nous avait ramené là. Il dit, Pierre, ça t'attend. Il dit, Pierre, ça t'attend, tu partir à un band? J'ai dit, ben oui, qui c'est qui va là-dedans? Ben toi, puis moi. Il dit, d'abord, OK. Là, j'étais allé dans ma chambre de motel, j'ai pris mes 2 scies mécaniques, mon pack-sac de linge. J'ai embarqué dans son triomphe, on est descendu à Saint-Hyacinthe, il m'a emmené chez son père pour commencer. Il dit, tu peux pas rester habillé de même, tabarnak. Puis il ride. Ça, c'était le père qui parlait. Oui. Il dit, si vous voulez chanter, il va voir que tu t'arranges un peu. Puis il vient, suis-moi, m'a t'arrangé ça, moi, tu vois. Et là, il m'amène dans sa chambre, une chambre, là, de garde-robe, le grand même. Là. Il roule ça. Tous des habits country, là-dedans, des beaux, là, brodés. Finalement, il m'en a donné un. On est venu faire un show ici, pas longtemps après. J'avais mis l'habit. C'est Boston. On jouait la première partie de Boston au Festival d'été de Québec. Et ça, c'était avec Corbeau. C'était les premières années de Corbeau? Non, Corbeau, oui. C'était avant que tout le monde de Corbeau. Il y avait un Coilly puis moi. Puis là, au bout de pas longtemps, on était assis dehors. On voyait de la poussière dans le chemin au loin parce qu'il restait dans un grand champ de dédain. Après, on vu regarder ces oiseaux. Il s'en venait avec son arc. Il y avait un arc, puis il y avait un petit chien avec lui. Il arrive vis-à-vis de nous autres. Il dit, je t'envoie ton arc. Il dit, je veux me suicider. T'es pas sérieux, toi, là? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je veux me suicider. Tu vas te tirer dans le pied, quoi? Comment est-ce que tu vas faire ça? Avec son arc. Donc, viens, on va te payer une bière. Finalement, il s'est pas suicidé. Une chance, parce qu'il n'y aurait pas eu des chansons comme « Long à comprendre ». Mais c'est ça, ouais. C'est vrai. Mais... J'ai encore des choses à lui apprendre à cette jeune personne. Oui, je me sauve. Quand on te fait applaudir, on reste là. Oui, mais là, on est minuté. Alors, Pierre, j'aimerais savoir, parce que là, tu nous as parlé de Corbeau, entre guillemets, mais là, je veux dire, Corbeau, après ça, Marjo est arrivé, après ça, finalement, toi, t'es parti. Non, mais... Mais c'est parce qu'il faut qu'on aille... On suit le fil, OK? Oui, mais il faut qu'on aille vite dans le fil. Il peut pas se suicider. Là, il arrive Donald pas longtemps après. Que lui il était venu avec un gars parce qu'on avait mis des annonces pour avoir d'autres musiciens. C'était un keyboard. Fait que le gars va pas de chauffe, il demande à Donald de venir le conduire, il vient le conduire, le gars est pourri, on ne le prend pas. Moi, je dis à Donald, t'as-tu ta guitare dans ton truck? Il dit oui. Sors là. Donald est embarqué avec nous autres. Pas longtemps après, je suis sur le bord du trottoir à Montréal avec Wezo. Puis Donald, pis on vient de passer la nuit à faire le montage sonore de Vidange. Il y a une fille qui passe en bicycle avec une calotte penchée de même. Bicycle, pédale par là, puis là, je regarde, je dis, coudonc, c'est le cul de Marjo, ça. Là, je dis, hey, les gars, c'est le cul de Marjo. Les gars, ben oui, toi, regarde donc ça. Hey, Marjo! Fait que là, elle arrête. Elle pleurait, elle met le pied, elle pleurait. Oh, mon Dieu, c'est ma fête aujourd'hui. Les gars, puis là, elle me dit, Pierre, fais-moi chanter, Pierre. Mais je dis aux gars, ils sont pas tendus. Les gars disent, ben oui, c'est correct. Fait que là, je dis, va-t'en chez vous, prends ta douche, arrange-toi. On va aller te chercher à 4 heures, puis on va t'amener pratiquer avec nous autres. Elle est venue pratiquer avec nous autres. La première chanson qu'elle a chantée, je pense que c'est celle. Non, c'est-tu celle-là? Non, c'est Je veux mourir à soir. Mais c'est dans le même style. Oui. Ça a passé, on l'a pris tout de suite. Puis la question que tu me demandais, c'est. Ben, t'as quitté Corbeau. Et c'est dans ce moment, dans ce segment-là, en pensant que nous, on vient de, le public féministe vient de nous quitter également. Donc, t'as quitté Corbeau, mais c'était toi qui écrivais pour Corbeau. Donc, je voudrais savoir, il s'est passé quoi après? C'est Marjo qui s'est mis à écrire? Oui, parce qu'avant de partir, Marjo, j'ai passé 3 jours avec au Foufoune électrique. J'avais loué tout le haut. J'avais mis des grands papiers sur le mur avec des crayons à des cornes. Puis on était assis dans le milieu. J'ai dit, bon, pense à ton affaire, puis quand tu auras quelque chose à dire, tu te lèves, tu prends un crayon, tu l'écris, puis tu viens tracer. J'ai dit, en fait, ça a pris du temps, ma casse-lève. Ça prend 1 heure de temps. C'était long, là. Moi, je payais, moi, là. La se lève, elle s'en va écrire, si j'ai tellement besoin d'amour. Non. Si, c'était quoi qu'elle a écrit? Si les hommes... En tout cas, si j'ai tellement besoin d'un homme, c'est que j'ai tellement besoin d'amour. Elle dit ça. Chose de même. Là, elle vient s'asseoir, puis là, ben, on a fait une chanson avec ça, mais qu'elle n'a pas chanté après, mais quand même. Puis moi, je suis parti pas longtemps après, mais elle avait pogné le truc de comment composer une chanson. C'est de. Tu te fies sur ton feeling, t'écris même 2 mots, 3 mots, une phrase, t'attends que ça revienne, puis à un moment donné, ça revient, puis ça part. Puis quand ça part, ça n'arrête plus, là. On a écrit un paquet de chansons après, là. Puis dis-moi, donc, après Corbeau, tu te trouves encore dans le... Après Corbeau, tu te trouves encore dans le bois? Après Corbeau, oui. Oui, oui. Oui, c'est ça, il s'en va faire son Corbeau dans le bois. Après, bon. T'es revenu en ville, c'est quoi? Avec, pas de doute. Hein? Avec Corbac? Quand je suis revenu en ville, c'était le début de l'été. Puis là, je cherchais mes chums parce que je savais que Corbeau était fini. Moi, je jouais, était parti. J'avais entendu dire ça dans le bois. Tout ceci. Hein. C'est les Corbeaux qui ont raconté. Puis là, ben, c'était le matin de bonne heure. Puis il y avait eu du frima. Puis j'approchais de chez Donald à pied. Parce que j'étais descendu un tout, j'avais pas de chauffe. Puis là, dans la vitre de côté du pick-up, il y avait une boîte. C'était quelqu'un avec gratté avec son doigt. Corbac. C-O-R-B-A-C-H. Je regarde ça et dis, wow, hey, c'est quelque chose, ça, là, là. Fait que je continue à marcher. Je m'en vais chez. Je rentre chez Donald. Je cogne à la porte. Chez Donald, il était couché. Hey, Donald, lève-toi, lève-toi. Là, il se lève. Je dis, viens de voir ça. Tu comment, il dit, Pierre, tu vas te lever. Oui, oui, puis on va s'appeler Corbac. Il dit, quoi, ça, Corbac? Mais Corbeau, Offenbach, voyons. Fait que là, c'est ça. L'après-midi, on était après à pratiquer. Puis ça a parti. Et là, vous pratiquiez, il y a eu Tendre Ravageur, premièrement, avec Corbac. Tendre Ravageur, c'était avant. Non, ça a pris. Tendre Ravageur, c'était bien avant, c'était en 88. 88, puis après ça, il est venu Amérique du Nord. Hein? Après ça, il est venu Amérique du Nord. Amérique du Nord, ça, c'est vraiment l'album de Corbac, ça. Et d'ailleurs, il y a une pièce qui s'appelle La Vieille Maison, qui est oui, d'Amérique La du Vieille Nord. Maison, oui. Ben, vas-y. C'est Annie qui chante ça, La Vieille Maison. Il y a vraiment de belles chansons. Chanson. La vieille maison. Tu dois savoir que je t'aime pour m'avoir vu manquer de force, debout devant toi tout blême, figé d'un désir féroce. Il y a longtemps que je t'aime, mais l'amour n'a pas marché. Il y a trop longtemps que je t'aime, et je ne peux t'oublier. Dans la vieille maison, la vieille maison. Savoir qu'il existe un gouffre, une éternité entre l'amour et l'amitié, et que souvent tristesse se mêle d'amour à la fin de la nuit dévorée à la naissance du jour, à la naissance du jour. Jamais là,

La mise sur ce lot actuellement est de... En fait, il n'y a pas de mise encore, mais le prix de départ est de 60$. Donc, vous avez l'occasion d'être le premier à miser dessus et peut-être à l'obtenir par la même occasion. Donc, je vous rappelle que tout au long de la fin de semaine, vous pouvez miser sur les lots de l'Ancan. Vous pouvez aller sur le site au www.ckrl.qc.ca. Oui, pardon. Et il y a plein de beaux lots qui s'offrent à vous dans toutes sortes de l'eau qui peuvent vous intéresser. Donc, allez voir le tout et restez avec nous, encouragez votre station CKRL et nous, on revient un peu plus tard pour vous parler des autres lots. Allô tout le monde, ici Sol Zanetti, député de Jean Lesage. C'est une grande fierté pour moi de savoir qu'ici, à Limoilou, on a ce trésor important, la première radio communautaire francophone au monde. CKRL, c'est 50 ans de vitrine pour nos communautés et nos artistes, et c'est pour les aider à continuer de rayonner que je vous invite à participer en grand nombre au Radioton cette fin de semaine. Manquez pas ça! Ce message est une présentation de Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pour la saison prochaine, les concerts pop de l'Orchestre symphonique de Québec se donnent des heures de studio californien, des cabarets new-yorkais. Ils seront tapissés de paillettes. Ils auront du beat. Lisa Leblanc sera chaque disco. Webster et ses 8 artistes invités célèbrent 40 ans de hip-hop québécois. Transportez-vous au cœur des comédies musicales de Broadway. Célébrez le 7e art avec Hollywood 7. Hydro-Québec, partenaire de saison de l'Orchestre symphonique de Québec. Visitez notre encore interactif sur le site ckrl.qc.ca. Cliquez sur la fenêtre Radioton pour miser sur un de nos 100 lots. Vous avez jusqu'à dimanche 20h. Bonne chance! Oui, c'est de retour. On est toujours au Radioton, à l'encan du Radioton. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, on vient de l'entendre. D'ailleurs, on a 100 lots sur lesquels vous pouvez miser sur le site www.ckrl.qc.ca. Parlons de quelques-uns d'entre eux. Donc, le lot numéro 35, ici, on parle des éditions à lire, où vous pouvez vous procurer pour un lot d'une valeur de 90$. Il s'agit d'une trilogie de polars contemporains de Wayne Arthurson, dont l'action se situe à Edmonton et en mettant en scène Léo Desroches, un journaliste aux origines, métissé, et pris avec des problèmes de jeu compulsif. Il s'agit de 3 livres ici, L'automne de la disgrâce, Un hiver meurtrier et Un été rouge sang. Donc, on parlait bien du lot numéro 35 et ce lot d'une valeur de 90$, le lot numéro 35, oui, il n'y a pas présentement de mise sur ce lot-là. Vous pouvez être les premiers à miser dessus. Le prix de départ est de 45$. On poursuit avec un autre lot. Il s'agit ensuite, on reste toujours dans la lecture, donc on va parler ici du lot numéro 13. Il s'agit de BD Mécanique Générale, le lot d'une valeur de 165$. On a présentement une mise de 80$ dessus. Il s'agit d'un lot de 5 livres de bande dessinée. Donc, Je prends feu trop souvent de Charlotte Gosselin. On a Rouge Avril de Sylvain Lemay et André Saint-Georges. Quen Dur, Val Bleu. On a aussi Quelqu'un à débrancher, La Grosse Pomme de Zovi et Bang Bang Bang de Étienne Prudhomme. Donc, un beau lot de 5 livres ici. Donc, BD Mécanique Générale, le lot numéro 13. Donc, on revient, nous, un peu plus tard. Allez sur le site de CKRL pour pouvoir miser sur les lots. Salut, ici Ariane Roy. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Soyez généreux et généreuses. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Depuis 30 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier. 99 boulevard Bastien-Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734. Pédalier.ca. Écoute-moi. Ici Paul André et Lou-Adriane Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Vous écoutez toujours Tailleul, Requiem pour Memento, dans le cadre du Radioton 2023 de CKRL. Par chance, j'ai pas grand-chose à vous dire cette fois-là, donc je laisse la parole à Annie et Pierre. Merci. Pierre, on revient parce que ça fait plusieurs fois que je dis que tu te pousses dans le bois. Hein? C'est arrivé à plusieurs reprises dans ta vie, puis je pense que la plupart des gens à l'écoute savent que tu as un lien spécial avec les communautés autochtones. J'ai 8 enfants. C'est un lien spécial, effectivement. Ils sont tous autochtones? J'ai 8 enfants autochtones. Non, j'en ai 7 autochtones, puis un petit loup qui est métisse, avec qui reste avec moi à Québec. Et j'ai 10 petits-enfants autochtones. Puis autochtone, c'est un mot que je déteste. Première Nation. On dit Première Nation maintenant. Ah, Première Nation? Oui, c'est l'appellation. Les Premières Nations, ça ne dit pas toutes. Il y en a, moi j'aime mieux les appeler parce qu'ils ont des noms. Eux autres, c'est des Innus. C'est des Innus. Il y a des Atikameks. Il y en a un petit paquet au Québec. Là. Effectivement. C'est, quand on s'intéresse à ça, on apprend leur nom et on dit le nom. Parce qu'autochtone, ça vient dire que tu es venu au monde où ce que tu es. C'est un adjectif, en fait. C'est un fait. Fait que Canadien-Français, c'est un adjectif aussi. Ça fait que là, il y a de ça, ici, là, quoi, là. On peut-tu savoir... on peut-tu être quelqu'un, nous autres? On peut-tu être quelqu'un? Bien, nous autres, on est quoi? On est des Québécois de Québec, mettons? De la ville de Québec. Des Beaumontois. Oui, des Beaumontais ou toi, je sais pas. Des Beaumontois. Il est Beaumontois, oui. Alors, écoute, tu as appris à parler Innu avec... Oh non, pas tant que ça, parce que c'est une langue complexe, très, très, très sophistiquée. Une langue agglutinante? Je connais pas ça. Avec des mots d'à peu près 135 pieds de long. On en a des grands mots, là, on va dire ça. Donc, on va y aller avec une chanson dans laquelle tu vas nous faire grâce de ton Innu. Oui, ça, c'est une chanson que j'avais composée pour mon petit enfant... Pour mon premier garçon, mon premier enfant. Pour mon premier enfant que je pensais qu'il viendrait au monde avant sa sœur, qui est venue au monde avant lui, par 15 jours, a réussi à jouer un tour à son frère. Je ne sais pas comment qu'elle a fait ça, mais il y avait deux madames enceintes en même temps. Non, mais j'ai pas fait exprès, moi, là. Je te jure que non. J'ai rien à voir là-dedans, puis ça a été l'enfer, mon Dieu. Pendant toute leur grossesse, ils me téléphonaient, je travaillais à Télé-Québec. Le téléphone sonnait dans le studio. Oui, je vais tuer notre enfant. Là, je dis, fais pas ça. Là, l'autre appelait. Je vais le jeter dans le fleuve. Fais pas ça. Ça a duré juste 8 mois. Ah, je te dis, j'avais les cheveux bruns, moi, quand j'ai commencé là. Au bout de 8 mois, j'avais les cheveux blancs. Il y a de quoi blanchir. On va y aller en musique, ça va peut-être alléger un peu. L'été, tout en haut, envoie-moi toi, emmène-moi dans danser, pour nous rire, moi blanche de nez, oui j'ai hâte d'aller dehors, emmène-moi dans danser, ça va rire, m'attendre. d'aller dans le nord, d'aller danser. Ah oh, oui, yeah. Ah oh, oui, yeah. Tu sais ce que c'est, perdre son temps. Tu fais des spin out, des diddling out. Envoyer les dents dans moi, arracher nos pensées. Se mettre à danser, à voler, à tourillonner. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. Ah oui, yeah! Ah oui, yeah! Cachan, chichago, chitigayata, piki, on wish to shoot the Danny Pratao. Chichin mito, kukuchimi, nin capachitin, capachitan, tapuini vahuatan, chichin wean, tutani pitao, chichin mito, chica, minupanu, nipuatan, chichin, itudean, chuetan, chichin mian. Ah oui, yeah! Chichin dan cha, e qua te qua ne tuta, mi spin out, chuet, magni diddly now, min pukatown, kushkat chakanu and tama, chat miyak, chat upuyak, chat chinakuni upanuyak! Ton inou n'est pas trop rouillé, finalement? Non, il est bien plus rouillé que tu penses. Moi, de quoi, là, j'espère qu'il n'y a pas un autochtone qui nous a écoutés. Là. Peut-être. Hey, j'ai le goût qu'on reste ici hein, pour continuer. On dit, ben si, bon, on peut finir ça debout aussi. Hey, qu'est-ce qu'il y a, là? Ben moi, j'ai le goût qu'on parle, Pierre, parce que là, tu sais, dans les dernières années, on t'a pas tant vu dans le show business, on va dire. Tu t'as pris soin de Lou. T'as eu une vie familiale bien remplie, ben, on va dire ça comme ça. J'ai découvert ce qu'était la femme. Premièrement, en prenant soin de mon enfant, que sa mère pouvait, dont sa mère ne peut pas prendre soin, je l'ai eu avec 6 mois. Donc, le rôle traditionnel de la femme, t'as appris à vivre dedans. La seule affaire que je n'ai pas faite, c'est accoucher. Être enceinte puis accoucher. Puis même, j'ai été enceinte un bout parce que je l'avais tout le temps. C'est moi, tu sais. Fait que, non, puis quand ça m'est arrivé de découvrir ça, là, ah mon Dieu, j'ai été tellement impressionné puis ému. Puis j'ai compris à quel point les femmes, c'était important pour la vie, pour la planète, pour les hommes. Une femme, ça peut changer un homme d'aplomb, là. Ça peut faire quelqu'un d'intelligent avec un épais. L'inverse aussi. Ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes, mais toutes les femmes peuvent enfanter. Puis c'est là qu'est le secret, eux autres, là. Nous autres, notre corps, là, je veux dire, moi, j'ai une bédaine. J'ai bu de la bière. Tu sais? Puis j'ai... Bon, disons que ça sort plus facilement qu'un enfant, ça. Ouais. T'en vois une, t'en pisses deux. Mais là, Pierre, je veux dire, t'as accouché plusieurs fois, par exemple, de projets artistiques. Tu vois? Non, je parlais pas de la bière, là. Je comprends. T'as accouché plusieurs fois de projets artistiques, et là, il y en a un nouveau en route. On n'est pas ici pour rien ce soir. Non, c'est sûr, le nouveau projet, c'est quoi? Ah, ta gueule. Okay. Ben non, donc, on sait maintenant que... Suite à Memento, le Memento Band a un nouveau nom qui s'appelle Tailleul. Mais on s'en va où avec ça, Pierre Harel? Avec Tailleul, ben on s'en va vers un petit long métrage d'une 60aine de minutes qui va s'appeler Annie et le 50e d'Off à Laura. Offenbach à l'oratoire, c'est Off à Laura. 50e de Valois. C'est un film là, qui n'est pas encore en chantier officiellement, mais ça sent bien, on travaille là-dessus. Puis on travaille aussi sur Soleil zigzagant. Moi, là, en 72, j'avais un projet de film, 1972, là. Puis à cause de toutes sortes de niaiseries, de toutes sortes de monde, en tout cas, j'ai jamais pu faire mon film. OK? Et puis je l'ai présenté 8 fois. Il était refusé 8 fois, pas pour les bonnes raisons. Puis là, quand est arrivé, puis elle, c'est pas une armée, ça, là. Elle m'a pas dit, ouais, on va partir, on va le faire. Elle a rien dit. Elle m'a demandé si j'avais des copies. J'ai dit non, c'est tout mélangé parce que c'était dans une boîte en plastique. J'ai déménagé à peu près 14 fois depuis 72. Ça avait brossé. Comme ça, les feuilles sont toutes séparées. Fait que la première chose qu'on a faite, c'est d'essayer de trouver, de mettre ensemble des pages. Et puis. C'était déjà tout un contrat. Puis elle, ben, une chance qu'elle était là parce que moi, je j'aurais pas fait ça. C'était impossible pour moi. À part ça, moi, je tape à dactylo, tu sais, 2 doigts. Elle, elle joue du piano sur sa dactylo. En tout cas, ça a bien été. On a un projet, on l'a déposé. Ça s'appelle Soleil zigzagant. Puis pour moi, c'est important parce que ça va conclure depuis 72 des années de frustration. J'étais assis. À un moment, par bout, j'étais assis en tabarnak, là, à cause de tout ça, là. Mais là, c'est fini. Ça s'en vient. Et avec Ta gueule, on fait quoi? C'est quoi le répertoire de Ta gueule? On s'en va où avec ça? Ta gueule, c'est par rapport au répertoire qu'on prend de départ. C'est Offenbach, Corbeau, moins de Corbeau, mais Offenbach, Corbeau, Corbeau. Offenbach, Corbeau, Corbeau, pour commencer. On a déjà commencé à écrire des nouvelles tunes. Ça veut dire que dans 1 an maximum, on va être prêt à faire un album d'au moins 12, 13, 14 tunes, toutes faites ici à Québec. Fait que pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air, des chansons d'Offenbach, Corbeau, Corbeau revampées à la Ta gueule. Et pour vous montrer aussi de quoi ça a l'air, les nouvelles compositions de Ta gueule, on a mis tout ça dans une seule pièce, en fait, hein? C'est quoi? Qui s'appelle Colin de Blues. Non, c'est parce qu'elle a pris Colin de Blues, et elle a composé des nouveaux textes. À la fin, elle a fait une nouvelle chanson avec, parce que c'est avec du vieux qu'on fait du nœud. Hein? Et puis elle a fait une nouvelle chanson. Puis moi, je suis ébahi de ça. Calling the blues for Christmas shoes. Calling the doo blues. Calling the blues for Christmas shoes. I've known a cycling can get yanked away for pause and die. Hey! Little twine. Toi, ça l'a rendu jalouse. Merci. Anyway, les femmes sont jalouses du blues. Call me the blues for Christmas shoes. Oh, yeah. Call in the blue blues. Call in the blues for Christmas shoes. Call in the blue blues. Call in the blues for Christmas shoes. Blow the sacred can, get your ink away from pausing down. Fermez la porte à l'amour, j'ai fermé la porte de mon cœur. J'ai fermé la porte de mon cœur, j'ai barré la porte à double tour. J'ai scellé la porte de mon cœur, call it a blues, c'est 20 par heure. Fermez la porte de mon cœur, j'ai barré la porte de mon cœur. J'ai fermé la porte à l'amour. J'ai pas un dernier tour, j'ai scellé la porte de mon cœur. Call in the blues, c'est bien pas là. Call in the blues. Dans un mois, ouais, bon. Ouais, ouais, ça devrait. Écoute, Pierre, on finit avec. Quoi? Et 46. Hey, on est en plein dans les temps. C'est la première fois. Jean-Sébastien, quelque chose à nous dire? Non, mais je vais seulement prendre un instant pour présenter la formation Tailleul avant de vous laisser la parole et vous laisser interpréter une ultime pièce ce soir. Donc, je vous demanderai d'applaudir ici en studio et à la maison, si ça vous tente, Danny Thériault à la basse. Patrick Lavoie à la guitare. Olivier Mador-Millet à l'orgue et au clavier. Jean-Sébastien Grondin à la batterie. Et au chant et en discussion ici tout au long de l'émission, Annie Hull et Pierre Harel. Merci. Merci! Restez à l'écoute du Radioton de CKRL dans quelques instants. Pierre Dolbecq vous a préparé une édition spéciale sur l'émission Diapason. Il recevra le musicien, mais également animateur de l'émission Soirée mondaine ici à CKRL, Charles Garand. Et je vous laisse aller avec votre dernière pièce, Tailleul. Merci. Merci, Jean-Sébastien. Thank you. entreprise opère selon les principes du développement durable, tout en mettant en valeur les produits de nos artisans locaux. La mission de la Korigane comporte également un volet social et culturel qui s'articule autour des valeurs d'ouverture, d'authenticité, de solidarité et de respect. Bonjour, ici Patrice Michaud. Je vous invite à participer au Radiothon de CKRL. Donnez généreusement, les artistes comme moi en ont bénéficié. Alors, faisons-en bénéficier les autres aussi.